confrérie K-A-L-I-F-R-2-O-S. Ok. C'est pas Noël, y'a pas de sapin, j'ai pas envie d'être sympa. Pourquoi je viens pour faire du bruit comme une moto sans peau? Je réfléchis, je fais les 100 pas, je bouffe mais ça descend pas. Je lis des bouquins, je fais un peu de foot mais ça me détend pas. J'avoue en fait y'a trop de trucs qui cassent les yeux-coups. Mais peut-être que je suis dans un rêve, pour me réveiller faut qu'on me secoue. Je suis à court de munitions pour dire ce que j'ai dans la tête. Je sais même pas s'il y a une définition. Pour me donner les moyens j'ai essayé d'apprendre, mais très vite j'ai compris qu'en fait y'avait rien à comprendre. On se défonce entre nous c'est nous les fous. Au fond tout le monde s'en fout, ce monde est fou, que voulez-vous? Moi je dis ce que je pense, toi t'en fais ce que tu veux. Et ouais c'est ça mon vieux, je donne pas de conseils, je suis pas mieux. Chacun aimerait un jour arriver à toucher le butin. Mais ça poucave, putain faut se faire petit comme un lutin. Pour éviter judicieusement les ennuis judiciaires, pour échapper malicieusement aux galères policières. Pourquoi on comprend pas que si on le fait pas on nous prend pas? On se rend pas compte du bien que ça ferait à tous nos remparts. Les jeunes connaissent tous nos erreurs de jeunesse. J'ai vu que les flammes de la richesse dans leurs yeux apparaissent en même temps que la paresse. Pour eux ne compte que l'apparence, leur tête mûrissent mais leur cœur pourrissent et c'est pirasse. Ça se menace, ça se tabasse, ça se donne des coups de chlasse. Ça on reste rarement seulement à paniquer ta race. Y'a un gros problème dans notre mentalité. Pourquoi on n'arrive pas à boire que de la menthe tout l'été? C'est pas une vie ça, on vise tous la carte Visa. On envisage d'avancer, manque de peau, on s'enlise. Je rêve d'une vie meilleure pour moi et mes proches. Je m'accroche au bonheur et j'espère qu'il se rapproche. Nous aussi on veut croquer, non, on va pas t'escroquer. Car notre son c'est du bon et pas de la musique de troquet. On s'en bat les couilles d'être reconnu, ce qu'il faut pas c'est qu'un inconnu se mette à déconner en essayant nous canner. On veut tout ken, tout en restant nous-mêmes. Depuis qu'on est tout môme pour faire plaisir à nos rums. Avec ce qui sort de nos neurones là, c'est les confrères. Écoute ce qu'on fait mec, c'est offert. Tu peux pas dire le contraire, c'est du concret. Mais laisse nous faire, même quand je fais la fête. Je rappe avec le cœur, pas la frite. Des fois je vais me jeter par la fenêtre, mais je reste quand même par la frère. Dans l'affaire, ce que je veux dire, c'est que sans le rap j'ai plus de battement de cœur. Je lâche mon rancœur, j'écris grâce à ma plume et à ma grande gueule. Je parle pas de gun, c'est pas mon délire. Je suis plus dans la mélancolie. Je tape plein de gueule, j'écris des lignes. Je t'entends dire c'est encore lui. J'écris sans cesse, j'ai autant de texte que j'ai de cheveux sur la tête. Si le rap c'est les chiots, moi je veux être un pur athlète. Dans les deux refs en référence, je m'en fous, on fait pas de révérence. On avance dans le bon sens avec la même persévérance. Pas besoin de faire le Picasso, on est pris pour des petits cassos. Dédicasso, pote aux sauces qui nous pousse quand y a pas de sauce. Efficasso, Mike ça crache des rimes intelligentes. Pas du genre à feinter les gens quand j'entends dire intelligent. J'ai l'esprit large depuis que j'ai pris le large. J'immerge de ma gamberge et puis j'ai pris de l'âge comme une bouteille que je tease. Y'a pas de batterie, ça passe. Tout seul comme quoi tu niques ta meuf sur du Patricia Casse. Ici y'a vraiment trop de coups bas. Je rêve d'un exil à Cuba. En attendant, je m'évade en crachant ma rage sur Cubase.